J'entends battre dans ton corps une machine infernale qui compte chaque intervalle du temps qu'il reste encore, et la mort guide tes pas. Tu sentiras son rire et puis tu l'entendras dire: je suis venu pour toi. Je n'ai pas peur du temps, je profite à 100 à l'heure, et pour trouver mon bonheur, fin et un soulagement, la mort s'approche lentement. Dans un souffle j'entends d'affreuses aiguilles. Et là